D'après le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple, les membres des organisations civiles et sociales de divers milieux comme ouvriers, religieux et artistiques ont tenu le 15 courant devant la prison de Séoul la cérémonie « La soirée de solidarité » pour revendiquer l'arrestation de Park Geun-hye et la mise en liberté des prisonniers de conscience. Par ailleurs, selon le journal d'Internet sud-coréen Jaju Sibon, le comité de soutien aux détenus consciencieux du Conseil du Mouvement des Familles pour la démocratisation de Corée du Sud a organisé le même jour au parc Tapkol à Séoul le meeting de jeudi contre la mise en scène d'une nouvelle affaire d'espion par les autorités. Ce jour-là, le tribunal central de grande instance de Séoul a condamné le pasteur Kim Song-yun aux travaux forcés de 4 ans, en prétendant qu'il a manipulé en coulisses sur l'ordre d'Aung San Suu Kyi le soulèvement général national du 14 novembre de l'année dernière.